Chapitre 28e. Bonne nouvelle pour le docteur. Lorsque Sir Louis arriva à Boxall Hill, il fut facile de se convaincre qu'il n'avait pas exagéré en annonçant à sa mère qu'il était un peu souffrant. Depuis la mort de son père, il avait eu plus d'un transport au cerveau. Sa vie même avait été en danger. Le docteur Thorne ne l'avait pas ignoré, mais il n'en avait pas parlé à Lady Scatcherd. Deux fois, il s'était rendu à Londres pour voir Sir Louis, et deux fois, il l'avait supplié de retourner à la campagne et de s'y faire soigner par sa mère. En dernier lieu, il l'avait menacé du sort fatal qui l'attendait s'il continuait à mener une vie aussi déréglée. Quoique ces menaces n'eussent produit sur le moment aucun effet sur Sir Louis, il avait promis d'aller passer quelque temps à Brighton, mais lorsqu'il se sentit plus mal, il commença à s'alarmer et, renonçant à son voyage à Brighton, il partit en toute hâte pour Boxall Hill sans en prévenir le docteur. Mary ne le vit pas le premier jour, mais son oncle, sachant que sa présence pourrait être nécessaire, s'était arrangé pour arriver à Boxall Hill peu après le jeune homme. Il était bien pénible pour lui d'avoir à recommencer auprès du fils la tâche qu'il avait eu à remplir auprès du père dans cette même maison. Mais tout lui imposait ce devoir. Non seulement il avait promis à Sir Roger de veiller sur son fils, mais encore la voix de sa conscience lui disait que si Sir Louis réussissait à détruire son existence, tous les biens des Scatcherd passeraient à sa nièce Mary Thorne. Il trouva le jeune baronnet dans un état de santé déplorable. Bien qu'un ivrogne consommé comme son père, le fils ne l'était pas dans le même genre. Ce que le père avait coutume d'absorber en un jour eût suffi pour tuer le fils en une semaine, et quoique Sir Louis fût presque toujours ivre, ce qu'il buvait aurait à peine produit quelque effet sur son père. « Vous êtes complètement dans l'erreur, » dit-il avec vivacité au docteur. « Ce n'est pas cela du tout. Je n'ai absolument rien pris depuis 8 jours. Je crois que c'est le foie qui est malade. » Le docteur savait parfaitement à quoi s'en tenir sur la santé de son pupille. Il souffrait également du foie, de la tête, de l'estomac et du cœur. Le père s'était tué avec de l'eau-de-vie. Le fils, dont les goûts étaient un peu moins grossiers, se tuait avec du curaçao, du marasquin et du kirsch. « Sir Louis, » lui dit le docteur, qui était obligé d'être beaucoup plus explicite avec lui qu'il ne l'avait été avec son père, « tout dépend de vous. Si vous n'avez pas assez de courage pour vous priver de ce poison, vous n'avez rien à attendre dans ce monde, à rien. » Mary proposa de retourner à Greshamsbury avec son oncle, qui eut aussi bien voulu l'emmener, mais ils y renoncèrent tant par égard pour les vives instances de Lady Scatcherd que pour ne pas donner à supposer qu'ils jugeaient que la présence du maître de la maison en rendait le séjour impossible à des personnes comme il faut. Le docteur s'en retourna donc seul, et Lady Scatcherd partagea son temps entre ses deux hôtes. Le lendemain, Sir Louis fut assez bien pour descendre dîner, et Mary lui fut présentée. Il s'était habillé avec soin, et comme il n'osait pas, du moins pour le moment, se livrer à son malheureux penchant, il était disposé à faire l'agréable autant que possible. Sa mère s'empressait autour de lui, mais elle semblait le faire plutôt avec la crainte d'une esclave qu'avec la tendresse d'une mère. Quoique Sir Louis ne se prêtât pas très gracieusement aux soins assidus de sa mère, il se montra beaucoup plus complaisant envers Miss Thorne. Au bout de 8 jours même, il était plus que complaisant. Il se piquait d'être un homme galant, et il trouvait une bonne occasion de donner le change à la vie monotone qu'il menait à Boxall Hill en mettant en jeu sa galanterie. Rendons-lui justice, il n'eût pas été incapable de faire honorablement son chemin s'il eût réussi à obtenir l'affection d'une honnête jeune fille avant de se décider pour sa bouteille de marasquin. On pourrait en dire de même de bien des jeunes gens qui cèdent à leurs mauvais penchants parce que les bons penchants n'ont pas été encouragés en eux. Combien de pères qui déplorent avec amertume les goûts dépravés de leurs enfants, sans songer qu'ils n'ont rien fait pour leur en inculquer de plus élevés. Poussé en partie par le désir de plaire à Mary, et effrayé peut-être aussi par les menaces du docteur, Sir Louis s'abstint de boire pendant quelque temps. Mary ne le voyait guère avant 2 ou 3 heures de l'après-midi, et quand il paraissait devant elle, c'était avec la ferme détermination de lui plaire. Sa mère en était ravie, et elle ne cessait de chanter ses louanges. Le docteur, qui venait beaucoup plus souvent à Boxall Hill, commença lui-même à reprendre quelque espoir. Jusqu'alors, la beauté et les mâles attributs de Frank Gresham avaient été pour Lady Scatcherd d'un thème inépuisable, je ne dirais pas de conversation, mais bien de déclamation. Elle ne tarissait pas sur les qualités du jeune Squire, et surtout sur ses prouesses dans l'affaire de M. Moffat. Mary ne l'avait pas écoutée avec indifférence, elle se fut même volontiers étendue sur le même sujet, mais elle ne désirait pas mettre Lady Scatcherd dans sa confidence. Elle avait donc montré beaucoup de réserve dans ses réponses, de sorte que Lady Scatcherd avait fini par en conclure que son cher Frank n'était pas un favori de Miss Thorne. Elle changea donc de thème, et lorsqu'il vit que son fils se conduisait d'une manière aussi exemplaire, elle cessa de parler de Frank et se borna à faire l'éloge de Louis. Il avait été un peu dissipé, elle en convenait. Les jeunes gens le sont tous, plus ou moins, mais elle espérait que tout cela était fini. Il est vrai qu'il prend encore le matin une petite goutte de ces liqueurs étrangères, disait l'excellente femme, qui était trop honnête pour tromper même au profit de sa propre cause. Oui, mais presque rien. D'ailleurs, on ne peut pas obtenir tout à la fois, n'est-ce pas, Miss Thorne ? Mary n'avait pas besoin de montrer autant de circonspection sur ce sujet. Elle pouvait donner de l'espoir à la pauvre mère, parler de la jeunesse de Sir Louis, et dire qu'il y avait tout lieu d'espérer qu'il se réformerait, que sa conduite actuelle était bonne, et qu'il paraissait capable de faire mieux encore. Elle n'en dit pas davantage, mais Lady Scatcherd interpréta plus favorablement encore sa sympathie. Sur ce point, au moins, Sir Louis et sa mère étaient parfaitement d'accord. Mary avait tout pour plaire au jeune baronnet. Non seulement il la trouvait belle, distinguée et attrayante, mais elle était encore la nièce de l'homme qui, pour le moment, avait la tutelle de ses biens. Elle n'avait pas de fortune, à la vérité, mais elle était distinguée, et Sir Louis tenait surtout à la distinction chez Lady Scatcherd II. Mary avait aussi toutes les qualités qui pouvaient la recommander à la mère de Sir Louis, et à n'importe quelle mère. Aucun obstacle ne s'opposait donc à ce que Miss Thorne devint Lady Scatcherd, si tel était toutefois son désir. Deux ou trois semaines au moins s'écoulèrent avant que Mary découvrît l'avenir brillant qui lui souriait. Sir Louis avait presque peur d'elle et ne lui témoignait son admiration qu'en termes très mesurés. Il lui faisait, il est vrai, des compliments qu'elle aurait trouvés de très mauvais goût de la part de tout autre jeune homme. Mais il ne faisait, se disait-elle, que ce qu'il croyait qu'un gentleman dût faire. D'ailleurs, elle était disposée à passer sur beaucoup de choses par affection pour Lady Scatcherd. Les premières tentatives de Sir Louis pour plaire à Mary furent peut-être plus ridicules que passionnées. Il était encore trop faible pour faire de longues promenades, ce qui épargnait à Mary l'ennui de sa société. Mais il avait un cheval de selle à Boxall Hill, et le docteur lui avait recommandé de le monter. Mary montait aussi, un âne seulement, il est vrai, mais Sir Louis se crut obligé de l'escorter. Le coursier de la jeune fille avait répondu à l'attente de Lady Scatcherd. Il était d'une impassibilité à toute épreuve, si impassible même qu'il ne fallait rien moins qu'un bâton pour le décider à prendre le trot. Et comme le cheval de Sir Louis était très ardent, il était presque impossible au jeune baronnet de se mettre au pas avec Mary, de sorte qu'en dépit de tous ses efforts, il était généralement assez en avant pour qu'une conversation entre eux devint presque impossible. La seconde fois qu'il proposa de l'accompagner, Mary fit tout ce qu'elle put pour l'en dissuader. Elle avait vu qu'il avait presque honte de sa monture. D'ailleurs, elle eût préféré de beaucoup être seule. Mais comme elle ne voulait pas contrarier le malade, elle ne lui refusa pas positivement. « Lady Scatcherd, » dit-il au moment de monter à cheval. Il appelait toujours sa mère Lady Scatcherd. « Pourquoi n'avez-vous pas un cheval pour Miss Thorne ?» Lady Scatcherd répondit qu'elle aurait eu très volontiers un poney si Mary eût voulu y consentir. « Non, Lady Scatcherd, je n'en veux sous aucun prétexte. J'aime tant ce pauvre âne. »« Mais il ne va pas du tout, » dit Sir Louis. « Et pour une personne qui monte comme vous, Miss Thorne, une amazone de votre force, c'est absurde, Lady Scatcherd, positivement absurde. » Il lançant un regard courroucé à sa mère, il monta à cheval et prit bientôt les devants en descendant l'avenue. « Miss Thorne, » dit-il lorsqu'il fut arrivé à la grille, « si j'avais su que j'aurais le bonheur de vous trouver ici, je vous aurais amené la plus belle bête qu'on puisse voir, une jument arabe. Elle appartient à mon ami Jenkins, mais pour vous je n'aurais reculé de vous aucun chiffre, morbleu. Si vous étiez sur cette jument, je défierais n'importe qui dans Hyde Park de vous surpasser en élégance. » Cette espèce de défi, qui aurait probablement flatté Mary, fut entièrement perdu pour elle, car Sir Louis avait, comme de coutume, pris les devants, mais il s'arrêta à temps pour entendre Mary déclarer sa passion pour son âne. Si vous pouviez voir la jument de Jenkins, Miss Thorne. Dites un mot seulement, et je la ferai venir avant la fin de la semaine. Le prix ne sera rien, pour moi rien. Par Jupiter, quel magnifique tableau vous feriez à vous deux !» Cette offre généreuse fut au moins répétée 4 ou 5 fois. Mais Mary n'en entendit jamais plus de la moitié, et chaque fois le baronnet était trop en avant pour entendre la réponse de la jeune fille. Il se souvint enfin qu'il avait à voir un de ses tenanciers, et prit à sa compagne de lui permettre de s'éloigner. « Mais si vous craignez de rester seul, dit-il, vous savez que... »« Oh, pas le moins du monde, sœur Louis, j'y suis tout à fait accoutumé. »« Parce que je ne tiens nullement à aller plus vite, Miss Thorne, seulement il m'est impossible de mettre mon cheval au pas de cette maudite bête. »« Ne dites pas de mal de mon favori, sœur Louis. »« C'est vraiment honteux de la part de ma mère. » Lorsqu'elle a le bonheur de recevoir chez elle une personne comme vous, elle devra au moins se procurer une bête présentable. Mais j'y mettrai ordre, dès que je serai un peu mieux, vous verrez. » Ce disant, Sir Louis mit son cheval au trot et laissa Mary jouir paisiblement de sa promenade à Anne. La santé de Sir Louis commençait à se ressentir avantageusement de la vie plus régulière qu'il menait depuis quelque temps. Personne ne s'en réjouissait plus sincèrement que le docteur. C'était même pour lui, ainsi que nous l'avons déjà dit, un cas de conscience. Tout sentiment d'indifférence sous ce rapport eût presque équivalu de sa part au désir de voir mourir le jeune baronnet, afin que Mary héritât de ses biens. Le docteur redoublait donc d'énergie pour accomplir dignement la tâche qu'il avait entreprise et pour contribuer par ses efforts à mettre un jour Sir Louis en possession de sa fortune. Mais cette tâche était bien difficile, car à mesure que la santé de Sir Louis s'améliorait, il devenait plus exigeant et mettait à de rudes épreuves la patience du docteur et du tuteur. « Docteur, lui dit-il un jour, que ferez-vous à propos de ces titres de Grashamsbury ? Tout cela sera rangé entre votre homme de loi et le mien. Ah oui, ces messieurs arrangeront tout cela, et nous aurons un joli mémoire à payer. Mais, comme dit Tiny, c'était son homme d'affaires, j'ai un énorme intérêt en jeu dans cette affaire. » « Ce n'est pas le premier venu qui peut fournir 80 000 livres sterling dans un moment de besoin, et je voudrais savoir à quoi m'en tenir. Je crois que j'en ai le droit, docteur. » Les titres d'une grande partie de la propriété de Grashamsbury doivent être réunis aux hypothèques avant la fin du mois prochain. « C'est bien. Je voulais savoir où en étaient les choses, car quoique mon père ait fait un testament absurde, je ne vois pas pourquoi je ne saurais pas ce qui se passe. Vous serez mis au courant de tout ce que je sais, sœur Louis. » « Et maintenant, docteur, que ferons-nous pour de l'argent ?»« Pour de l'argent ?»« Oui, pour des espèces, enfin. Remplissez votre bourse et faites figure. Vous savez, docteur, ce n'est pas que je tienne à faire figure, au contraire. Je désire maintenant vivre tranquillement. »« J'en suis enchanté, » dit le docteur. « Je ne veux pas abandonner la place à mes cousins d'outre-mer, du moins autant que cela dépendra de moi. Je serai bientôt tout à fermé, n'est-ce pas, docteur ?»« C'est beaucoup dire, sœur Louis. » Mais j'espère que cela viendra avec le temps, si vous savez vous modérer, et pour cela vous ne devriez pas prendre cette affreuse liqueur le matin. Cette affreuse liqueur, c'est ma mère qui vous a conté cela. Je la reconnais bien là, mais ne la croyez pas. Il n'y a pas dans tout le comté un seul jeune homme qui soit plus rangé que moi. Le docteur fut obligé de convenir que sous ce rapport, il y avait en effet quelque amélioration. Et l'argent, docteur ? Comme tous les tuteurs, en pareille circonstance, le docteur Thorne rappela à Sir Louis qu'il avait déjà touché beaucoup d'argent, et il allait lui promettre de lui en donner davantage s'il se conduisait bien à l'avenir lorsque Sir Louis l'interrompit assez vivement. « Très bien, docteur. Et maintenant, j'ai à vous apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous étonnera. » Le docteur ouvrit de grands yeux et eut l'air de se préparer à être surpris. « C'est quelque chose qui vous étonnera réellement et qui, dans le langage des journaux, vous sera très avantageux. »« Avantageux ?» dit le docteur. « Oui, du moins j'espère que vous serez du même avis. Que diriez-vous si je me mariais ?»« J'en serais enchanté. Plus enchanté peut-être que je ne puis l'exprimer. C'est-à-dire, bien entendu, si vous faisiez un mariage convenable. C'était le vœu le plus ardent de votre père. » »« C'est en partie à cause de cela que je m'y décide, » dit le jeune hypocrite. « Mais si je me marie, il faudra bien que j'aie un revenu suffisant. » Le docteur commença à craindre que son intéressant protégé ne désira une femme que pour obtenir le revenu, au lieu de ne désirer le revenu que pour obtenir la femme. Mais quel que fût le mobile qui le dirigea, il était probable que le mariage serait une planche de salut pour le jeune baronnet. Le docteur n'hésita donc pas à lui donner l'assurance que s'il se mariait convenablement, il jouirait d'un revenu qui lui permettrait de soutenir dignement le rang de la nouvelle Lady Scatcherd. « Oh, quant à cela, vous serez, je crois, le dernier à désapprouver mon choix. »« Vraiment ?» dit le docteur en souriant. « Je parie que non. Que diriez-vous de Miss Mary Thorne ?» Disons-le pour la justification de Sir Louis. Il n'avait probablement pas la moindre idée de la valeur que les jeunes personnes comme Mary Thorne ont aux yeux de ceux qui les aiment et auxquels elles appartiennent. Il ne savait pas que son oncle la considérait comme un trésor inestimable, presque trop précieux pour l'abandonner à n'importe quel mari, et infiniment au-dessus de la fortune de n'importe quel baronnet avec 8 ou 10 000 livres de revenus. Sir Louis était riche, il avait un titre, et Mary était sans fortune. Selon lui, il offrait tout et ne demandait rien. Il savait que les jeunes filles sont quelquefois timides et qu'il faut les encourager en leur faisant la cour sous la forme de petits cadeaux et de discours flatteurs, quelquefois même en les embrassant. Il s'était déjà acquitté, pensait-il, des discours flatteurs, et il s'imaginait qu'ils avaient été bien reçus. Le reste viendrait ensuite, un cheval arabe par exemple, et des baisers avec le cheval. Toutes les difficultés seraient donc aplanies. Mais jamais il ne lui était venu à la pensée que l'oncle pût mettre obstacle à ce mariage. Pourquoi s'y serait-il opposé? N'avait-il pas tout ce qu'un père peut désirer pour une fille sans dot ou un oncle pour une nièce à sa charge? Et cependant le docteur n'avait nullement l'air enchanté. « Que diriez-vous de Miss Thorne ?» lui avait demandé Sir Louis, et au lieu de répondre avec empressement, il restait confondu et comme frappé de stupeur. « Eh bien, ne serait-elle pas une excellente femme ?» dit Sir Louis piqué au vif de l'évidente désapprobation du docteur. « Je croyais que vous en seriez enchanté. »« Mary Thorne, » dit enfin le docteur. « En avez-vous parlé à ma nièce, Sir Louis ?»« Oui et non. » « Je lui en ai bien dit quelque chose, et cependant je ne lui en ai rien dit. Expliquez-vous. » « Je ne me suis pas déclaré positivement, mais je lui ai fait des compliments, et si elle a le nez fin, comme je le suppose, elle doit savoir à quoi s'en tenir. » Le nez fin, quelle expression en parlant de sa Marie, de sa nièce chérie. « Je crois que vous êtes dans l'erreur, Sir Louis. Vous verrez que Marie n'est pas disposée à profiter des grands avantages, car je conviens qu'ils sont grands. » Que vous pouvez offrir à votre femme. Si vous voulez suivre mon conseil, vous cesserez de penser à Mary. Elle ne vous conviendrait pas. » Elle ne me conviendrait pas? Je crois, moi, tout le contraire. Est-ce parce qu'elle n'a rien? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Que votre femme soit riche ou non, peu importe. Vous n'avez pas besoin de songer à la fortune. Mais vous devez chercher quelqu'un qui convienne mieux à votre caractère. Je suis sûr que ma nièce vous refuserait. Le docteur donna à ces dernières paroles une accentuation significative, mais il connaissait mal le jeune baronnet. Sir Louis aimait Marie à sa manière, et il ne pouvait se persuader qu'elle ne répondrait pas tôt ou tard à sa passion. De plus, il était entêté, nous devrions peut-être dire ferme, puisque le but qu'il se proposait était bon, et il résolut d'en venir à ses fins en dépit de l'opposition du docteur. « Mais si elle consent, vous consentirez aussi, » dit-il. « Il est impossible qu'elle y consente. »« Impossible? Je ne vois rien d'impossible à cela. Mais enfin, si elle dit oui, elle ne le dira pas. »« Très bien, c'est ce que nous verrons. Cependant, répondez-moi, si elle dit oui, consentirez-vous aussi ?»« Jamais. Les étoiles tomberaient plutôt du ciel. Tout cela n'est que de l'enfantillage. Renoncez-y encore, mon jeune ami. Croyez-moi, vous ne feriez que vous préparer du chagrin. » Et le docteur posa affectueusement sa main sur le bras du jeune homme. « Elle n'acceptera pas, elle ne peut accepter votre offre, » continua-t-il. « Elle n'acceptera pas, elle ne le peut pas, » dit le baronnet, en énumérant à part lui toutes les raisons qui pouvaient porter l'oncle de Mary à se montrer si hostile à sa cause, et en repoussant la main du docteur. « Elle n'acceptera pas. » « Allons, voyons, docteur, répondez-moi franchement. Si elle consent à m'épouser, vous ne ferez rien pour l'en empêcher. » « Mais elle n'y consentira pas. Pourquoi donc vouloir lui donner ainsi qu'à vous le chagrin d'un refus ?» « Oh, quant à cela, j'encourrai la chance tout comme un autre. Et quant à elle, du diable, docteur, si vous me ferez croire qu'aucune jeune fille trouve bien affreux de voir à ses pieds un baronnet avec 10 000 livres de rente, surtout quand ce baronnet n'est ni vieux ni très laid. Je ne suis pourtant pas si sot que cela, docteur. » « Je vois bien qu'il faudra qu'elle en passe par là, » se dit le docteur à part lui. « Je m'attendais à une réponse plus amicale de votre part, docteur, après tout ce que vous dites de votre amitié pour mon père. » Je pensais au moins que vous répondriez à ma question. » Mais c'était précisément à cette question que le docteur ne voulait pas répondre. Si par un hasard impossible Marie consentait, il ne refuserait pas son consentement, quelque révolté qu'il pût être de ce choix, mais il ne voulait pas donner à Sir Louis le prétexte de pouvoir dire à Marie que son oncle approuvait un mariage aussi odieux. « Je ne puis dire que dans aucun cas j'approuverais une semblable union, Sir Louis. Je ne le puis parce que je sais que vous seriez malheureux l'un et l'autre. Mais cela regarde ma nièce, elle en décidera elle-même. »« Et l'argent, docteur ?»« Si vous faites un mariage convenable, vous jouirez d'un revenu qui suffira amplement à tous vos besoins. » En disant ces mots, le docteur s'éloigna, laissant Sir Louis à ses méditations.